Salut, c'est Roland Rock, alias Cyrus Portouche, et c'est Band à part, l'émission du rock progressif. Avec aujourd'hui comme invité prestigieux Laurent Gaillard de l'équipe de Varia. Salut Laurent. Salut Thierry. Bonjour chers auditeurs. Merci pour le prestigieux. Atlantis Philharmonique. Thank you. Atlantis Philharmonic, c'est un groupe américain réédité par le petit label Laser Edge, comme le bord du laser. Donc c'est un groupe de 74, une réédition de 90, et qui donc, comme j'indiquais à un auditeur à l'instant, est disponible ou va l'être très prochainement chez Musea. Voilà donc, je vous rappelle, vous écoutez donc Bande à part, l'émission du rock progressif qui persiste et signe depuis maintenant 6 ans. Et on va donc vous rappeler le numéro de téléphone pour ceux qui veulent appeler, avoir des renseignements ou même des injures ou des réclames, enfin bref, 78 89 45 05, 78 89 45 05. Voilà donc aujourd'hui donc j'indiquais que nous avons un invité, c'est un des membres de l'équipe de Varia. Il nous en parlera à peu près aux alentours de 11h. On causera un petit peu de tous les du fandom et des fanzines en France. Le menu, le voici, le voilà. Alors après Atlantis Philharmonique, eh bien nous aurons une petite tranche d'italien pour changer un petit peu. L'œuf de colon, oui, ça s'invente pas. Ensuite Jet. Non pas Jet 27, mais Jet tout court. Fancy Fluid, une réédition, enfin une nouveauté Musea, pardon. Et puis nous partirons du côté de la Belgique avec, grâce à notre ami Laurent, Now. Un petit tour en Hongrie avec East. En Tchécoslovaquie, si tout va bien, avec Collegium Musicum. 12 Night, bien sûr, avec leur nouvel album. C'est exclusif et c'est sur Bande à part. Et enfin, une japonaiserie, oui, parce que alors, si on passe pas de japonais, on se sent vraiment mal. Cosmos Factory, qui est une réédition d'un groupe mythique des années 72, 73 pour être précis. On continue donc tout de suite avec L'Uovo di Colombo, bien sûr, c'est un groupe italien. Et c'est sur Bande à part.

c'est quoi qui coule? Eh ben, c'est le bas! Bande à part, l'émission du rock progressif, le 15 de chaque mois. Soffriva lui la la croce portava. Ed il mondo salvava. C'est à quel sujet? C'est pour les concerts, les dates de concerts. Vous pouvez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté? Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Non, vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Tu veux que nous fassions toutes ces bêtises? Pas exactement, tout ça est un peu démodé. 3615 Brume FM, rubrique concert, tous les concerts sur Lyon et toute la France en passant de Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg. Tous les concerts avec les prévisions, vos questions et suggestions. Alors, 3615 Brume FM. C'est d'accord? Et comment que c'est d'accord? Ouais! Ouais! Ouais! Ouais! Avis! À la suite de nombreuses plaintes, l'administration de Saint-Agénor-sur-Siphon vient d'ordonner la démolition du moulin Mathieu. On sait que ce vieux bâtiment, abandonné depuis de nombreuses années, sert actuellement de refuge à une mule. À une multitude de rats qui accommodent le voisinage. Espérons que ces indésirables rongeurs... Sa Majesté, en Tracite 3, vous parle. Rat, rat, rat, vive le roi des rats, vive en Tracite 3. Rate Gérard, oh mes fidèles sujets, voici que s'étend devant nous une fertile vallée qui remplacera avantageusement les ruines du moulin Mathieu. Ce sera notre nouveau royaume de rats. Je vous donne l'ordre d'occuper tous les terriers que vous trouverez et d'en chasser les propriétaires. Vive le roi des rats, vive en Tracite 3. Opération ratisation, exécution. You're listening to Bonaparte, the progressive program in Lyon. I'm sitting on the ground, I seem to be floating on a cloud. The whole room's reeling like a roundabout, moving shadows are taking hold of me.